Oui, c'est bon, Adrien, on a compris. Ok. Ça te va comment je l'ai fait? Pense que je referai. Vas-y. Pense que je referai un autre générique de. Moi, je veux un générique de début où c'est Adrien qui fait la musique à la bouche. Ah oui. Ce serait génial. Un épisode un peu spécial. T'as oublié le truc. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu et de cliquer sur la petite cloche. Regardez tout le porn que j'ai pu regarder grâce à NordVPN. Coucou. Bonjour. C'était inattendu, je m'attendais à ce qu'il... Ouais, je m'attendais à de la médiocrité. Je pensais qu'ils allaient faire le boba juste sanguinaire qui va prendre sa revanche sur tout le monde et tous les buter et tout. Et non, on a droit à un boba communiste. Qui veut changer les choses. Non, non, rien. Oh, c'était pareil, moi je m'attendais à rien comme d'habitude. Et puis à chaque plan j'étais oh, waouh, oh, cool, oui. Oui, donc grosse hype. Ça a l'air intéressant au moins. Bon, ils vont quand même être le chef, mais au moins. Ouais. Et des nouveaux, genre les espèces d'araignées du début, là. C'est pas des nouveaux. Enfin, c'est pas des humains. Du coup, c'est... Ouais, voilà, c'est super cool à voir. Les Twi'leks avec des couleurs différentes. Youh! Qui sont pas en train de danser à poil. Ouais. Dans le fond, je crois, ouais, peut-être à un moment. Oui. Je l'avais genre il y a 5 minutes et puis plus longtemps. Pardon. Non, bien sûr, bien sûr. Pardon. Tu verras, je te l'ai dit avant. Il y a même un alien sur le trône. Oui, c'est le Littorien. Parler, je crois pas vite fait dans la cantina, mais je sais pas s'ils disent des trucs intelligibles. En live action, je crois que c'est la première fois qu'on en voit un parler. Le conseil des 30 au chemin, il fait marrer, je sais pas pourquoi. Ils sont tous assis là. Ah ouais? Il y a ceux qui ont des couilles à la place de... C'est quand t'es Ouais, couilles. Oui, c'est ça. Je parlais pas de ce moment-là, hein. Il y a un moment où il est à table avec que des troncs de chêne. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé que on s'y croit. J'ai rien noté qui me sortait du truc ou qui avait pas l'air à sa place. Non, j'ai trouvé aussi les lieux montrés intéressants. J'aime bien avoir d'autres vues du palais de Jabba, l'espèce de ville là. J'espère que c'est vraiment une autre partie de Tatooine, celle qui est plus habitée et pas la cambrousse de Luke et de son oncle. Ah oui, voilà la campagne. Nous, on veut voir le côté urbain de ouais, Tatooine. ça avait l'air d'être sur Tatooine en tout cas. Ça peut être super cool. Ils avaient pas annoncé un jeu Star Wars, qui était un peu un truc d'arène, qui avait l'air de se passer dans un endroit comme ça. C'était pas Star Ah, Wars. qui est pas sorti là. Ouais. Ouais. Oui, on... Peut-être qu'ils vont être importants. Ouais, surtout si on peut voir d'autres aspects de Tatooine et un peu plus la vie en dehors des Skywalker et des héros de la galaxie. Ben ça a l'air sympa. Ça a l'air à moitié très bien fait et à moitié cheap. Ah ouais? Donc ça j'aime bien ça. C'est Tatooine, c'est l'effet Tatooine, c'est le côté. Tu sais comment ça s'appelle? Pas rétro, mais l'autre. Oh, je sais plus. J'étais assez surpris de voir qu'ils ont mis moins de dommages sur la tête de Boba, mais bon, Ah oui, c'est peut-être vrai. qu'ils n'avaient pas envie de lui mettre tout le temps du maquillage sur la tronche pendant toute une saison, surtout que ça avait été un peu critiqué parce que ça le blanchissait. Du coup, là, il est moins blanc, il a plus sa couleur. Est-ce que il est arrivé dans le palais de Jabba, il s'est jeté dans une cuve de Bacta qui traînait, je sais pas. Moi, je veux voir un épisode des vlogs de Lando où il fait un. En guest, il a Boba et puis Boba explique ses make-up routine où il explique voilà, C'est trop le bien. fond de teint qu'il utilise et le contour et tout pour cacher ses cicatrices. Ah Peux pas aller demander à rien, faut pas ça. le mec, il venait juste de sortir du Sarlacc avant de se faire embarquer dans le Mandalorian, tu sais. Pas de repos, tu sais. Ouais, les environnements pour l'instant, ça a l'air de tout se passer sur Tatooine pour l'instant. Enfin, on dirait quoi. Mais ça fait quand même un peu neuf. Enfin, neuf, pas propre et tout, mais je veux dire, ça donne l'impression que c'est des trucs qu'on n'a pas vraiment vus pour l'instant. Donc, Ouais, c'est bien. c'est pour ça que j'aurais pas de soucis si ça se passait que sur Tatooine toute la série, parce que du moment que ça nous montre des nouveaux trucs, que ça fait pas du fan service à outrance en mode regardez, c'est là où il s'est assis pour parler avec Han Solo, enfin tu vois, du moment que ça nous montre un petit peu la vie de Tatooine, d'autres aspects de Tatooine, et ouais, je veux bien voir plus de Tatooine si c'est pas tout le temps les mêmes trois endroits. Grave. Oh putain, t'as Ahsoka qui débarque, tu sais, genre. Y a pas un sarlacc qui traîne. dithyrambique, ça veut dire très très content. Polarisé. Communiste. C'est une coop. Bah, il y a quand même un plan où il défonce un crâne avec le bruit et tout à la clé à molette géante là. Si les gens sont pas d'accord, faut bien se défendre à un moment. Mais voilà, donc mou. Oui. Si c'est pas mou, comment tu veux faire des câlins confortables aussi après? Ouais, en plus. Oh, je suis juste en train de l'aider. Bah ouais, mais en même temps, c'est plus le même aussi. Justement, c'était ça qui faisait peur, c'était que il avait l'air très différent dans le Mandalorian et j'avais peur qu'il retourne en arrière. Alors qu'en vrai, Fennec, elle les bouffe, tu vois, genre, mais c'est... c'est en dernier recours. Mais oui, ça va être trop cool. C'est vrai. Bien fait à voir. Ouais. En espérant que ce soit. Vas-y. bien les livres. J'aime bien les livres. On va bien voir. Quand est-ce que ça sort, Adrien? Ce jour, le 29, on en parlera, et puis après, ce sera tous les vendredis. Avec la sortie de l'épisode le mercredi, ce sera bien, ça laissera le temps à tout le monde de le voir, de le digérer un petit peu. Mais le premier, on le fera le jour même, parce que le vendredi, c'est le 31 décembre, et le samedi, c'est le 1er janvier. Donc voilà, on va faire... Et le 30, c'est l'anniversaire du podcast, et il y a autre chose qui sort. Mais de rien. Merci. On ne compte pas sur moi pour revenir, hein. Salut. Salut.